Premier livre des Chroniques, chapitre 18. Et il arriva que David battit les Philistins, et les abaissa, et prit Gath, et les villes de son ressort sur les Philistins. Il battit aussi les Moabites, et les Moabites furent asservis, et faits tributaires à David. David battit aussi à Larézé roi de Tsoba vers Hamath, comme il s'en allait pour établir ses limites sur le fleuve d'Euphrate. Et David lui prit 1000 chariots, et 7000 hommes de cheval, et 20000 hommes de pied, et il coupa les jarrets des chevaux de tous les chariots, mais il en réserva 100 chariots. Or les Syriens de Damas étaient venus pour donner du secours à Hadarézé roi de Tsoba, et David battit 20000 Syriens. Puis David mit garnison en Syrie de Damas, et ces Syriens la furent serviteurs et tributaires à David, et l'Éternel gardait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qui étaient aux serviteurs d'Hadarézé, et les apporta à Jérusalem. Il emporta aussi de Tibhat, et de Quin, ville d'Hadarézé, une grande quantité d'airain, dont Salomon fit la mer d'airain, et les colonnes, et les vaisseaux d'airain. Or Tohu roi de Kamat apprit, que David avait défait toute l'armée d'Hadarézé roi de Tsoba. Et il envoya Adoram son fils vers le roi David pour le saluer, et le féliciter de ce qu'il avait combattu Hadarézé, et qu'il l'avait défait, car Hadarézé était dans une guerre continuelle contre Tohu, et quant à tous les vaisseaux d'or, et d'argent, et d'airain, le roi David les consacra aussi à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait emporté de toutes les nations, savoir, d'Édom, de Moab, des enfants de Ammon, des Philistins, et des Amalécites. Et Abisaï fils de Tseruya, bâtit 18000 Iduméens dans la vallée du sel, et mit garnison dans l'Idumée, et tous les Iduméens furent asservis à David, et l'Éternel gardait David partout où il allait. Ainsi David régna sur tout Israël, rendant jugement et justice à tout son peuple. Et Joab fils de Tseruya avait la charge de l'armée, et Jéhozapha fils d'Ahilu, était commis sur les registres. Et Tsadok, fils d'Ahitub, et Abimelech, fils d'Abiatar, étaient les sacrificateurs, et Sosa était le secrétaire. Et Benéja fils de Jéhojada, était sur les Kérétiens et les Pélétiens, mais les fils de David étaient les premiers auprès du roi.